Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. La phrase clé de la leçon 32 est la suivante. Je préfère les futons. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de la Thaïlande. Anna est en visite à Shizuoka avec Sakura. Elles passeront la nuit chez la grand-mère de Sakura. C'est la première fois que Anna dort sur un futon. Le futon est un matelas japonais. Écoutons le sketch de la leçon 32. La phrase clé est... Je préfère les futons. Futon to bedto to dochira ga suki? Futon no hou ga suki desu. Kono futon wa beddo yori yabarakai desu. Sore ja, oyasumi nasai. Oyasumi. Laissez-moi vous expliquer le sketch. Anna souhaitait dormir sur un futon disposé sur un plancher couvert de tatami, comme elle en avait vu dans les mangas auparavant. Sakura a demandé à Anna « Futon to betto to dochira ga suki ?»« Lequel préfères-tu, le futon ou le lit ?»« Futon » signifie « futon », matelas japonais. « Betto » signifie « un lit ». Lorsque l'on demande à quelqu'un ce qu'il ou elle préfère, en comparant deux articles tels que « futon » et « lit », on ajoute la particule « to » après chacun des substantifs. Ainsi, on dit « futon to beddo to »« futon » ou « un lit ». On dit ensuite « dochira » « lequel ». On peut employer « dochira » pour comparer deux choses entre elles, des gens, des lieux, etc. On dit ensuite « na » la particule qui indique le sujet. Les mots interrogatifs comme « dochira » nécessitent l'emploi de « ga » lorsque leurs réponses sont les sujets des phrases. « Ski » aimer est un adjectif en japonais. Cette phrase dans le sketch est une question informelle pour laquelle on hausse l'intonation. Pour être poli, on dit « Dochira ga suki desu ka ?»« Lequel préfères-tu ?» Adrien, si je souhaite demander « Lequel préfères-tu, le café ou le thé ?» Que dois-je dire ? Café, c'est « Kohi ». Thé, « Kocha ». Lequel préfères-tu se dit dochira ga ii desu ka? Donc kohi to kocha to dochira ga ii desu ka? C'est juste. Retournons au sketch. Anna répond futon no hou ga suki desu. Je préfère les futons. C'est notre phrase clé aujourd'hui. Futon signifie futon, matelas japonais. No est une particule qui lie les substantifs. Ho signifie « mieux » ou « plus ». Il indique quel article on choisit entre deux proposés. « Na » est la particule qui indique le sujet. « No hou ga » doit être placé après l'article que l'on choisit, n'est-ce pas ? Oui. Après « no hou ga », on dit « suki » aimer. « Des » est une expression polie placée à la fin d'une phrase. Comment doit-on répondre si on aime les deux ? On dit « dochira mo suki desu ». J'aime les deux. Écoutons de nouveau notre phrase clé aujourd'hui. Je préfère les futons. Futon no hou ga suki desu. On se sent vraiment au Japon lorsqu'on dort sur un futon. Anna poursuit. Kono futon wa beddo yori yawarakai desu. Ce futon est plus moelleux qu'un lit. Kono signifie ce, cette. Futon signifie un futon, un matelas japonais. Wa est la particule qui indique un sujet. Beddo signifie lit. Yori est une particule qui signifie que. Lorsque l'on compare les caractéristiques de A avec celles de B, on dit E wa B yori. Et on emploie ensuite un adjectif. Yawarakai est un adjectif qui signifie moelleux, mou. Des est une expression polie utilisée à la fin d'une phrase. Anna dit à Sakura. Soreja, oyasumi nasai. Alors, bonne nuit. Soreja signifie alors. Pour être poli, on dit それでは。おやすみなさい signifie bonne nuit. C'est une salutation employée avant d'aller se coucher. Sakura répond おやすみ bonne nuit. C'est une façon informelle de dire おやすみなさい. Puisque nous comprenons maintenant sa signification, écoutons de nouveau le sketch de la leçon 32. La phrase clé aujourd'hui est 布団の方が好きです。 Je préfère les futons. 布団とベッドとどちらが好き？ 布団の方が好きです。この布団はベッドより柔らかいです。それじゃ、おやすみなさい。 おやすみ。 Passons à notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Adrien, nous avons appris aujourd'hui comment exprimer la comparaison en utilisant nohonga et yori. Veuillez nous enseigner plus en détail comment on compare des choses. Posons la question à notre professeur. En japonais, il y a deux formes comparatives pour les adjectifs. On exprime la comparaison avec より que et の方が plus, meilleur. Il fait en général plus chaud en Thaïlande qu'au Japon. Voyons comment on peut dire il fait plus chaud en Thaïlande qu'au Japon en japonais. Thaïlande se dit Thaï. Japon c'est Nihon. L'adjectif chaud est Atsui. On parle ici de la Thaïlande en tant que sujet. On commence donc avec Tai wa. Ensuite, on dit Japon, Nihon, puisque l'on compare le climat de la Thaïlande avec celui du Japon, et on ajoute yori, que, ensuite. Donc, on dit Nihon yori. Chaud, c'est Atsui. Donc, il fait plus chaud en Thaïlande qu'au Japon, se dit Tai wa Nihon yori atsui desu. On peut aussi employer no hou ga. Plus, meilleur, pour dire la même chose. Dans ce cas, on commence avec tai et on ajoute no hoga pour dire ensuite tai no hoga. Puis on dit Japon, Nihon, et on ajoute yori, et on dit Nihon yori. Ensuite, chaud, c'est atsui. Donc, il fait plus chaud en Thaïlande qu'au Japon, se dit tai no hoga, Nihon yori atsui desu. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Fuka fuka. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ce mot décrit comment une chose est douce, molletonnée et élastique. On dit que les futons sont « fuka fuka ». Le mot qui suit a un sens identique. Hua hua. On l'utilise pour quelque chose de moelleux et léger. On dit ce pain est fua fua. Dans notre rubrique mots descriptifs des sons, aujourd'hui, nous vous avons parlé de fuka fuka et de hua hua. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique, les tweets d'Anna. J'ai dormi sur un futon pour la première fois. La grand-mère de Sakura avait fait aérer le futon pour moi. Il était donc fuka fuka et très confortable. Avez-vous apprécié la leçon 32? Notre phrase clé aujourd'hui était futon no hou ga suki desu. Je préfère les futons. La prochaine fois, Anna se rendra à un festival sur le campus universitaire. Surtout, ne manquez pas cette leçon.